Ézéchiel chapitre 44. Puis il me ramena au chemin de la porte extérieure du sanctuaire, laquelle regardait l'Orient, et elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte-ci sera fermée, et ne sera point ouverte, et personne n'y passera, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par cette porte, elle sera donc fermée. Elle sera pour le prince sera le seul qui s'y assiera pour manger devant l'Éternel, il entrera par le chemin de l'allée de cette porte-là, et sortira par le même chemin. Et il me fit revenir par le chemin de la porte du septentrion jusque sur le devant de la maison, et je regardai, et voici, la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de l'Éternel, et je me prosternai sur ma face. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, applique ton cœur, et regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles tout ce dont je te vais parler, touchant toutes les ordonnances et toutes les lois qui concernent la maison de l'Éternel, applique ton cœur à ce qui concerne l'entrée de la maison par toutes les sorties du sanctuaire. Tu diras donc à ceux qui sont extrêmement rebelles, savoir, à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, maison d'Israël, qu'il vous suffise qu'entre toutes vos abominations, vous ayez fait entrer les enfants de l'étranger, qui étaient incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour être dans mon sanctuaire, afin de profaner ma maison, quand vous avez offert ma viande, savoir, la graisse et le sang, et ils ont enfreint mon alliance, outre toutes vos autres abominations. Et vous n'avez point donné ordre, que mes choses saintes fussent observées, mais vous avez établi comme il vous a plu dans mon sanctuaire, des gens pour y être les gardes des choses, que j'avais commandé de garder. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, pas un de tous ceux qui seront enfants d'étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, même pas un d'entre tous les enfants d'étrangers, qui seront parmi les enfants d'Israël. Mais les Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsqu'Israël s'est égaré, et qui se sont égarés de moi pour suivre leurs idoles, porteront la peine de leur iniquité. Toutefois ils seront employés dans mon sanctuaire aux charges, qui sont vers les portes de la maison, et ils feront le service de la maison, ils égorgeront pour le peuple les bêtes pour l'holocauste, et pour les autres sacrifices, et se tiendront près devant lui pour le servir. Parce qu'ils les ont servis se présentant devant leurs idoles, et qu'ils ont été une occasion de chute dans le crime à la maison d'Israël, à cause de cela j'ai levé ma main en jurant contre eux, dit le Seigneur, l'Éternel, qu'ils porteront la peine de leur iniquité, tellement qu'ils n'approcheront plus de moi pour m'exercer la sacrificature, ni pour approcher d'aucune de mes choses saintes aux lieux les plus saints, mais ils porteront leur confusion et leurs abominations, lesquelles ils ont commises. C'est pourquoi je les établirai pour avoir la garde de la maison pour tout son service, et pour tout ce qui s'y fait. Mais quant aux sacrificateurs lévites, enfants de Tsadok, qui ont soigneusement administré ce qu'il fallait faire dans mon sanctuaire, lorsque les enfants d'Israël se sont éloignés de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour faire mon service, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ceux-là entreront dans mon sanctuaire, et ceux-là s'approcheront de ma table, pour faire mon service, et ils administreront soigneusement ce que j'ai ordonné de faire. Et il arrivera que quand ils entreront aux portes des parvis intérieurs, ils se vêtiront de robes de lin, et il n'y aura point de laine sur eux pendant qu'ils feront le service aux portes des parvis intérieurs, et dans le temple. Ils auront des ornements de lin sur leur tête, et des caleçons de lin sur leurs reins, et ne se cindront point à l'endroit où l'on sue. Mais quand ils sortiront au parvis extérieur, au parvis, dis-je, extérieur, vers le peuple, ils quitteront leurs habits, avec lesquels ils font le service, et les poseront dans les chambres saintes, et se revêtiront d'autres habits, afin qu'ils ne sanctifient point, le peuple avec leurs habits. Ils ne se raseront point la tête, ni ne laisseront point croître leurs cheveux, mais simplement ils tondront leur tête. Pas un des sacrificateurs ne boira du vin, quand ils entreront au parvis intérieur. Ils ne prendront point pour femme une veuve, ni une répudiée, mais ils prendront des vierges, de la race de la maison d'Israël, ou une veuve qui soit veuve d'un sacrificateur. Et ils enseigneront à mon peuple, la différence qu'il y a entre la chose sainte et la chose profane, et leur feront entendre la différence qu'il y a entre ce qui est souillé et ce qui est net. Et quand il surviendra quelque procès, ils assisteront au jugement, et jugeront suivant les lois que j'ai données, et ils garderont mes lois et mes statuts dans toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes sabbats. Pas un des sacrificateurs n'entrera vers le camp mort d'aucun homme, de peur d'en être souillé, si ce n'est que ce soit pour leur père, pour leur mère, pour leur fils, pour leur fille, pour leur frère, et pour leur sœur qui n'aura point eu de mari. Et après que chacun d'eux se sera purifié, on lui comptera 7 jours. Et le jour qu'il entrera au lieu saint, savoir, au parvis intérieur pour faire le service au lieu saint, il offrira un sacrifice pour son péché, dit le Seigneur, l'Éternel. Et cela leur sera pour héritage. Ce sera moi qui serai leur héritage, car vous ne leur donnerez aucune possession en Israël, et ce sera moi qui serai leur possession. Ils mangeront donc les gâteaux, et ce qui s'offrira pour le péché, et ce qui s'offrira pour le délit, et tout interdit en Israël leur appartiendra. Et les prémices de tout ce qui est produit le premier en toute chose, et de tout ce qui sera présenté en offrande élevée de toute chose, d'entre toutes vos offrandes élevées, appartiendront au sacrificateur, vous donnerez aussi les prémices de vos pâtes au sacrificateur, afin qu'il fasse reposer la bénédiction sur la maison de chacun de vous. Les sacrificateurs ne mangeront point de chair d'aucune bête morte d'elle-même, ni rien de déchiré, soit vaseau, soit bête à 4 pieds.